Eh, Nizi, la classique. Eh. Sors plus, j'aime pas voir les frères au pilo. Je m'assomme à la fesse, je m'assomme au pilon. Fini l'époque où je brassais un lopilo. Y'a plus les liens planqués sous d'un lopilo. Sors plus, j'aime pas voir les frères au pilo. Je m'assomme à la fesse, je m'assomme au pilon. Fini l'époque où je brassais un lopilo. Y'a plus les liens planqués sous d'un lopilo. J'ai vécu des salles trippées par 10. Combien deviennent des artistes et pactisent. Mais plus rien n'est vrai, tout est factice. Même les femmes est vraies, tout est actrice. On t'envoie que des purs, c'est sur scène, on vient kicker l'autrice. C'est parier sur mon succès, autant prendre un ticket de loterie. La fin et la vitesse, a fait de nous des gens fidèles au crime. Pas d'happiness, non, j'ai vu la tristesse quitter nos cris. J'aime pas me ficha, mais fumer du sang. J'ai pas du rap pour les chichas, donc bien sûr j'y mets du sens. Ils détournent des milliards et tu le sens. Ils déclenchent des guerres et sans pas te voir couler du sang. J'me dois de résister, j'me dois de résister. Non, j'ai pas l'intention de rester impuissant face au système. Pas question de se désister, pas question de se désister. T'entends, j'écris pour exister à mon rap, chasse au système. J'lâche un couplet, l'ingé son piste du zen. Là j'aurai comme seul complice. Ouais, des prods chaque soir on brise. Et non, c'est pas le succès qu'on prise, tu sais. Juste pour que mes rêves s'accomplissent et que mes phrases soient comprises. A-t-on pris les bonnes décisions? Moi vieux, j'fais des rimes, tourne notre art à la dérision. Moi j'veux fédérer. Je vais pas jouer les terreurs, j'essaye de faire le bien, frère. Des fois je déconne, mais ne jamais faire d'erreur, c'est ne rien faire. J'ai vécu des sales tripes et parties. Combien deviennent des artistes et pactises. Mais plus rien n'est vrai, tout est factice. Même les femmes est vraies, tout est actrice. J'ai vécu des sales tripes et parties. Combien deviennent des artistes et pactises. Mais plus rien n'est vrai, tout est factice. Même les femmes est vraies, tout est actrice. Sors plus, j'aime pas voir les frères au pilo. J'm'assomme à la scène, j'm'assomme au pilon. Fini l'époque où j'brassais un loup pilote. Y'a plus les liasses planquées sous le dun loup pilote. Sors plus, j'aime pas voir les frères au pilo. J'm'assomme à la scène, j'm'assomme au pilon. Fini l'époque où j'brassais un loup pilote. Y'a plus les liasses planquées sous le dun loup pilote. Mais elle est bien consciente que mes paroles sont des armes. J'étais comme ce petit du texte, donc j'comprends son désarroi. Belle et bien consciente, mes paroles sont des armes. J'étais comme ce petit du texte, donc je comprends son désarroi. Sors plus, j'aime pas voir les frères au pilo. J'm'assomme à la scène, j'm'assomme au pilon. Fini l'époque où j'brassais un loup pilo. Y'a plus les liasses planquées sous le dun loup pilo. Sors plus, j'aime pas voir les frères au pilo. J'm'assomme à la scène, j'm'assomme au pilon. Fini l'époque où j'brassais un loup pilo. Y'a plus les liasses planquées sous le dun loup pilo.